Cette nuit, il fait froid, et jamais je n'oublierai que tu n'es pas là, que tu m'as oublié. Et moi, jamais je n'arrêterai de t'aimer, même si tu ne veux pas le savoir, je te le crierai tous les soirs. Jamais, non, jamais, je ne pourrai t'oublier, même si jamais. Tu n'es toujours pas là. Et moi, je pleure, tu sais, mes larmes sont dorées, comme la couleur de tes mains, comme la couleur de tes joues. Quand je les baisse le matin, à ce moment, je suis fou. Et jamais, non jamais, je ne pourrai t'oublier. Même si jamais, oh non jamais, je ne pourrai t'embrasser. Jamais. Jamais, jamais, jamais, non jamais, non jamais, non jamais, je ne pourrai t'oublier, non jamais, non jamais, je ne pourrai t'oublier. Ah, même si jamais je n'ai pu t'embrasser, yeah.